Il arrive parfois, Liane Radig, que vous parliez de notes, ce qui pourrait aussi surprendre. Vous avez dit un jour, la note contient tout et révèle tout en un instant d'éclat. Et néanmoins, cette insistance que vous avez toujours vis-à-vis de la notion d'éclat m'amène à vous demander comment se fait-il alors que l'éclat, qui semble très bref, qui entraîne une idée de brièveté, soit ici assorti de cet étalement dont nous avons déjà parlé, de cet étirement. Bien, cet éclat, si nous prenons un éclat visuel et que nous l'impressionnons sur une pellicule visuelle, si on ralentit considérablement le déroulement de cette pellicule visuelle, cet éclat deviendra un autre matériau, deviendra quelque chose d'autre, et cela permettra de cerner les différents moments de son intensité. Et c'est peut-être un peu ce que je cherche à faire, là, quand je dis note, c'est tout un ensemble très complexe auquel j'en réfère, note formée de la fondamentale et de ses différentes harmoniques, de toutes ces couleurs qui forment sa texture. Et pour pouvoir en cerner la complexité, la variété et la richesse, il est nécessaire justement de la ralentir.